Vous parlez au concierge quand vous le voyez? Oui, je lui parle quand je le vois. Vous dites bonjour à votre voisin quand vous le rencontrez? Oui, je lui dis bonjour quand je le rencontre. Vous dites au revoir aux étudiants quand vous les quittez? Oui, je leur dis au revoir quand je les quitte. Vous offrez à boire à vos amis quand vous les invitez? Oui, je leur offre à boire quand je les invite. Vous répondez toujours à vos enfants quand ils vous parlent? Oui, je leur réponds toujours quand ils me parlent. Vous apportez des fleurs à vos amis quand ils vous invitent à dîner? Oui, je leur apporte des fleurs quand ils m'invitent à dîner.